Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. On explore toujours le pop-rock dans le blues, ou le blues dans le pop-rock, et c'est avec Stringers in the Night que nous attaquons ce nouvel épisode fabuleusement passionnant. Stringers in the Night, c'est un duo des Yvelines, formé par Gérard Chaumarel et Arnaud Van de Voorde. Ils ont gagné le tremplin blues sur scène en 2003. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Ils ont sorti deux fabuleux disques, et puis après, c'est resté un petit peu en pause. Hein. Ils font quelques concerts épisodiques. En 2014, ils ont eu le projet d'enregistrer un album en public à Paris. Pour des problèmes techniques d'enregistrement, en fait, le projet n'a pas abouti. Mais j'ai pu quand même sauver quelques morceaux en acoustique. Et vous avez la primeur et l'exclusivité dans Blues Covers d'en écouter deux extraits. Voici tout d'abord Route 66, un classique de Monsieur Troop, popularisé par les Rolling Stones sur leur premier album en 1964. Mais là, c'est Stringers in the Night en 2014, Route 66. Prenons la route 66. Well, if you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. When it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. When I go through St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City, oh, look so pretty, you see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Boston, Reno, San Bernardino, won't you take him to this timely tip? When you take that California trip, get your kicks on Route 66. Missouri, Oklahoma City, who looks so pretty, you see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Boston, Reno, San Bernardino, won't you get hit to this timely tip? When you take that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Encore un grand classique du blues et du rock, Motherless Children, popularisé par Eric Clapton en 1974 sur l'album 461 Ocean Boulevard. Ou si vous préférez, 461 Ocean Boulevard. Yeah. Bref, c'est un traditionnel, comme on dit en général quand on ne connaît pas vraiment l'origine du morceau. Voici donc la version de Stringers in the Night, avec en plus Serge Thomassin à la basse, Daniel Lenoury à l'orgue et Bruno Chambaudet à la batterie. C'est enregistré en public en 2014. Stringers in the Night, Motherless Children. When the mother is gone, motherless children have a hard time. When the mother is gone, motherless children have a hard time. So many million and so many times, motherless children have a hard time. When the mother is gone, father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can. There's so many things they just don't understand. Motherless children have a hard time when mother is gone. Your mother will when the mother is gone. Friends will treat you like your mother will when the mother is gone. Friends will tell you what to do, then they'll turn their back on you. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Thank you. Si vous êtes un ou une habitué des blues covers, vous connaissez forcément Mr. Hardorley, car j'ai déjà passé pas mal de ses reprises. Aujourd'hui, eh bien, on va écouter deux titres de Jimi Hendrix. On va rester dans l'acoustique, tout d'abord avec Red House, et puis après on se réveillera un petit peu. Mr. Hardorley, Red House de Jimi Hendrix. Over the hill, there. her sister will. Toujours Mr. Harderly, avec toujours Jimi Hendrix, Voodoo Child. Thank you. Mountain Man, c'était, je dis bien c'était car le groupe n'existe plus, c'était donc principalement Mr. Matt au chant, à la guitare, et Barefootiano, harmonica et chœur. Maintenant, ils ont chacun leur propre carrière solo, avec d'ailleurs de formidables disques que je vous conseille d'écouter. Bon, revenons à Mountain Man. En 2012, un très bon disque qui s'appelle Hope, c'est leur troisième album, je pense, et il y en a eu après un autre en 2015 et encore un en 2016. Bon, revenons en 2012, Hope, avec dessus une reprise de Travailler c'est trop dur, mais aujourd'hui je vous propose Smell Like Teen Spirit de Nirvana, bien sûr, Mountain Man. It's fun to lose and to pretend. She's all overboard and sail for sure. Oh no, I know a dirty world. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Sad what I do best, and for this gift I feel blessed. Oh, little tribe has always been, and always until. Pour terminer ce nouveau Blues Covers, voici donc Mr. Matt, la voix de Mountain Man, comme je vous le disais précédemment. Donc Mr. Matt, en 2019, sort un EP formidable qui s'appelle Freedom, et dessus, il y a Georgia on my mind de Ray Charles, mais aussi Girls just want to have fun de Cyndi Lauper. Oh, formidable titre déjà par Cyndi et formidable titre repris par Mr. Matt, plein de talent. Bye bye et à la prochaine. I come home in the morning light. My mother said, what you got to live your life right? Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. And girl, they wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night. My father yells, what you got to do with your life? Oh, daddy dear, you know you're still number one. But girl, they wanna have fun. Oh, girl, just want to have. That's all I really want. C'était l'émission Blues Covers. Tchou, tchou, tchou, tchou. Bonsoir.